Comparaison de Rome et de Carthage. Rome était dans sa force, et Carthage, qui avait commencé de baisser, ne se soutenait plus que par Hannibal. Rome avait son Sénat uni, et c'est précisément dans ces temps que s'y est trouvé ce concert tant loué dans le livre des Maccabées. Le Sénat de Carthage était divisé par de vieilles factions irréconciliables, et la perte d'Hannibal eût fait la joie de la plus notable partie des grands seigneurs. Rome, encore pauvre et attachée à l'agriculture, nourrissait une milice admirable, qui ne respirait que la gloire et ne songeait qu'à agrandir le nom romain. Carthage, enrichie par ses échanges commerciaux, voyait tous ses citoyens attachés à leur richesse et nullement exercés dans la guerre. Au lieu que les armées romaines étaient presque toutes composées de citoyens, Carthage, au contraire, tenait pour maxime de n'avoir que des troupes étrangères, souvent autant à craindre à ceux qui les payent qu'à ceux contre qui on les emploie. Ces défauts venaient en partie de la première institution de la République de Carthage, et en partie s'y étaient introduits avec le temps. Carthage a toujours aimé les richesses, et Aristote l'accuse d'y être attaché jusqu'à donner lieu à ses citoyens de les préférer à la vertu. Par là, une république, toute faite pour la guerre, comme le remarque le même Aristote, à la fin, en a négligé l'exercice. Ce philosophe ne la reprend pas de n'avoir que des milices étrangères, et il est à croire qu'elle n'est tombée que longtemps après dans ce défaut. Mais les richesses y mènent naturellement une république marchande. On veut jouir de ses biens, et on croit tout trouver dans son argent. Carthage se croyait forte parce qu'elle avait beaucoup de soldats et n'avait pu apprendre, par tant de révoltes arrivées dans les derniers temps, qu'il n'y a rien de plus malheureux qu'un État qui ne se soutient que par les étrangers, où il ne trouve ni zèle, ni sûreté, ni obéissance.